Chapitre 11. Jacques Garot, dont la condamnation de Jeanne pour le crime qu'il avait commis rendait plus complète encore la sécurité, s'était embarqué à Londres sur le Lord Mer, un paquebot des messageries en partance pour New York. Paul Armand, puisque c'est ainsi que nous désignerons désormais l'ex-contremaître, arrivé l'un des premiers, accoudé au bastingage, regardait avec curiosité tout ce qui l'entourait. Parmi les derniers passagers arrivés, se trouvait un homme de 50 ans appartenant évidemment à la classe riche et accompagné d'une charmante jeune fille de 18 ans. À côté d'eux se voyait un grand garçon de 28 ans environ. Ce grand garçon offrait le type si facile à reconnaître de l'ouvrier intelligent, mais loustique et borbocheur. Il parlait d'une voix grasseyante. « Excusez, fit-il en mettant le pied sur le pont, c'est frotté ici que son nez comme du vrai verglas. Oh, malheur !» L'homme de 50 ans lui dit avec un accent anglais très prononcé « Votre passage et votre nourriture sont payés. Je vous ai en outre remis une somme de 200 francs. Je n'aurai donc point à communiquer avec vous pendant la traversée. En arrivant à New York, nous nous retrouverons. » Compris, monsieur, répliqua le grand garçon. Vous en première, moi en seconde. Après l'appel nominal, vous passerez au salon et je resterai dans l'antichambre. Soyez paisible, je vous retrouverai au débarquement. L'ouvrier alluma une cigarette, tandis que son interlocuteur et la jeune fille allaient se placer à 2 ou 3 pas de Paul Armand. Celui-ci tourna la tête du côté de ses nouveaux voisins et ses regards s'arrêtèrent sur la jeune fille, blonde aux yeux bleus, grande et mince, admirablement bien faite, délicieusement jolie, gracieuse et distinguée. « Bien belle personne, se dit-il, le monsieur aux cheveux gris doit être son père. » L'appel commença. Le second du navire, tenant à la main sa liste, appela les noms de James Mortimer et de Noémie Mortimer, auxquels répondirent l'enfant blonde et son père. Noémie Mortimer, pensa Garot, deux noms charmants. Monsieur Paul Armand, appela le second. Présent, répondit Jacques. En entendant appeler Paul Armand, le jeune homme à l'allure dégingandée et au langage pittoresque tressaillit brusquement, et ses yeux se fixaient avec une étrange expression de curiosité sur l'homme qui venait de répondre. Présent. Paul Armand, murmura-t-il, le nom de mon cousin, le mécanicien qu'on prétendait défunt. Le bonhomme me fait l'effet d'un particulier qui a le sac. Ça serait rigolo tout de même de se découvrir un parent calé. Et il dévisageait Jacques Garot, qui ne se doutait guère de l'impression que produisait le nom de son camarade mort. « C'est drôle, poursuivit l'ouvrier. Je l'ai vu autrefois, mon cousin, et je ne le reconnais pas du tout. Il était plus jeune, c'est vrai. Les années, ça change un homme. Mais enfin, je me souviens un peu de ses traits, et il me semble que je n'en retrouve pas un seul dans ce visage-là. Ça ne doit pas être lui, c'est égal. Je taillerai une bavette avec ce particulier-là. » En ce moment, on appela Ovid Soliveau. Le Parisien répondit « Voilà ». L'appel fut bientôt terminé. Immédiatement après, on donna l'ordre de classement des passagers. « Sapristi, pensa l'ouvrier, plus que ça de chic. Le paroissien voyage en première classe comme l'ingénieur Mortimer et sa demoiselle. Mais si les deuxièmes ne vont pas dans les premières peuvent sans difficulté aller dans les deuxièmes. Je ferai passer mon nom à ce Paul Armand et il viendra me trouver. » Le paquebot leva l'ancre et fila bientôt à toute vapeur. Jacques Garot passait la plus grande partie de son temps au salon où se tenaient de préférence l'ingénieur James Mortimer et la blonde Noémie. Il se mettait l'esprit à la torture pour trouver un prétexte qui lui permît d'entrer en relation avec le père et la fille. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ. Le temps magnifique avait attiré sur le pont une grande partie des passagers. Ovid Soliveau parcourait les groupes d'avant afin de s'assurer qu'il n'y rencontrerait pas ce Paul Armand qui peut-être était son cousin. Mais pas plus que la veille et l'avant-veille, Jacques Garot ne quittait le salon. « Pas possible, se disait Ovid, pour se payer comme ça le régime cellulaire, il faut que le paroissien soit malade. » Il piqua droit à l'employé et lui adressa ces mots. « Pardon, monsieur, mais si c'est un effet de votre complaisance, j'aurais à vous prier de me rendre un petit service. »« Ah oh, yes, répondit l'anglais, je vous l'ai bien. » Voilà la chose, il y a un passager de première classe dont le nom m'a rappelé celui d'un mien cousin, que je croyais défunt, et qui l'est peut-être en effet, mais qui peut-être aussi se porte comme vous et moi. Ah oh yes, ça était possible. Or, comme le règlement m'interdit l'entrée des premières, je viens vous prier de me rendre le service de prévenir ce monsieur, que quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à lui dire, le prie de venir le trouver pour 5 minutes à l'avant. Ah oh yes, disait à moi le nom du personnage. Paul Armand, disait aussi à moi le nom de vous. Ovid Soliveau. Français, natif de Dijon, Côte d'Or. Ah oh yes, ça aurait été suffisant. L'anglais descendit à la salle à manger et, s'adressant à un maître d'hôtel, lui demanda dans sa langue maternelle « Connaissez-vous un monsieur Paul Armand des Premières ?» Le maître d'hôtel ouvrit un carnet. « Armand, Paul, répliqua-t-il, cabine numéro 24. C'est un passager qui se tient presque toujours au salon. Bon, je me souviens, je vais voir. » L'employé se rendit au salon et aborda l'ex-contremaître par ces mots « C'est été-vous qui a été le très honorable Paul Armand ?» Jacques Garraud leva vivement la tête. « Oui, fit-il, c'est moi. Que voulez-vous ? C'est été-vous un passager de seconde classe qui demande à parler à vous sur la gaillarde d'avant. Comment s'appelle-t-il ? Ovide Soliveau. » Paul Armand interrogea sa mémoire. L'employé reprit « Ah oh yes, Ovide Soliveau, mécanicien, sujet français à Dijon, hôte d'or. Il semble à Louis reconnaître en vous un cousin à Louis, qu'il croyait défunt. » Jacques Garraud tressaillit et se leva brusquement. « mon cousin Ovide Soliveau, balbutia-t-il, c'est bien, je vous remercie, je vais monter. » L'employé se retira. L'ex-contremaître sortit du salon, mais au lieu de gagner immédiatement l'escalier, il s'élança vers sa cabine. « Que signifie cela ?» se demandait-il. « Cet Ovide Soliveau sera-t-il véritablement le cousin de Paul Armand, mort à Genève, et que je fais revivre ?» Mais oui, la mère de Paul Armand était une Soliveau. Le livret qui se trouve entre mes mains en fait foi, et je l'avais oublié. Tout en parlant, Jacques avait exhibé son portefeuille. Il en tira le livret en question, l'ouvrit à la première page et lut « Paul Honoré Armand, fils de César Armand et de Désiré Claire Soliveau. » « C'est bien un parent de feu, mon camarade, » continua-t-il. « Que faire ? Ne point aller à ce prétendu cousin ? C'est éveiller dans son esprit des soupçons, c'est me perdre. Il faut payer d'audace. Je saurais bien tenir tête à cet homme et lui prouver que je suis Paul Armand. » Jacques gagna le gaillard d'avant. Quand Ovide l'aperçut, il se dirigea vivement de son côté. « C'est vous, monsieur, » fit-il en le saluant. « Je vous remercie de vous être dérangé pour moi. » Et je vous en remercie d'autant plus qu'en vous regardant de près, quoiqu'il y ait bigrement longtemps que nous nous sommes rencontrés, je suis à peu près sûr de ne pas me tromper et de tendre la main à mon cousin, à mon vrai cousin, car vous êtes Paul Armand, n'est-ce pas ? Parfaitement, répondit Jacques. Paul Honoré Armand, fils de César Armand, et de Désiré Claire Soliveau, acheva Jacques. La propre sœur de mon père, dit le Dijonnais, ce qui fait que vous êtes mon cousin, Ovide Soliveau. Un peu, mon neveu, s'écria Ovide. Ah, saperlipopette, mon cousin. Quelle veine de se retrouver, moi qui te croyais mort. Mort, répéta Jacques Garraud avec un sourire. On le disait au pays où je suis allé il y a 5 ans. Enfin, d'où venait ce bruit absurde ? Un ouvrier genevois de passage à Dijon avait persuadé ça à ta mère. Il ajoutait que tu avais claqué à l'hospice. La bonne femme allait écrire afin d'apprendre la vérité quand elle mourut 1 an juste après ton père. Tu as dû savoir tout ça. Oui, oui, répondit Jacques Garraud, enchanté de se trouver si bien renseigné. J'ai su ça à l'époque. « Et ça m'a fait beaucoup de chagrin. Pauvre père, pauvre mère. Tu as été au pays sans doute toucher le petit héritage que tes parents t'avaient laissé ?»« Pas grand-chose. »« C'était peu de choses, en effet, » répliqua Jacques. « Je n'ai point hérité d'un radis, moi qui te parle. »« Comment ? Tu as perdu tes parents ?»« Il y a 2 ans. Plus un Soliveau dans la Côte d'Or. »« De toute la famille, c'est moi seul qui reste. »« Comme toi de la famille Armand, mon vieux Paul. »« Disparu, la famille Armand. » Ni tenant, ni aboutissant. Figure-toi que je ne t'avais pas positivement reconnu d'abord le premier jour. Je doutais, dame. Voilà 6 ans que nous ne nous sommes vus. Tu avais 25 ans et moi 22. Et tu peux te flatter d'être joliment changé, à ton avantage d'ailleurs. T'es devenu un monsieur très chic, un particulier tout à fait rupin. Est-ce que depuis notre seule et unique rencontre à Marseille, tu as fait fortune ? Fortune ? Pas précisément. Mais néanmoins, je ne me plains pas de ma position. J'ai mené à bien une invention qui m'a permis de mettre de côté quelques milliers de francs. Ah, tonnerre, les inventions, ça vous enrichit un homme, d'un seul coup. À moins que ça ne tourne mal, alors, ratiboisé. Mais tu étais un malin, toi. Tu avais été à l'école de Châlons et ensuite aux Arts et Métiers. Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé. Et toi, voyons, qu'est-ce que tu fais ? Dame, toujours la même chose. Quelle chose ? Comment quelle chose ? As-tu donc perdu la boussole ? Tu sais bien que je suis mécanicien ? C'est vrai, je suis absurde. J'avais une distraction et où vas-tu ? À New York, travailler de mon état d'ajusteur mécanicien. Je suis embauché pour le compte d'un ingénieur du pays qui s'appelle James Mortimer. James Mortimer, répéta l'ex-contremaître. Tu le connais ? De vue, oui. C'est, je crois, ce monsieur grisonnant qui est accompagné d'une si charmante jeune fille. Ah, t'as remarqué ça ? Eh bien, t'as un bon goût. Oui, oui, elle est jolie. Plus jolie que la Pierrette, hein ? « Qui ça, la Pierrette ?» fit Jacques sans réfléchir. « Comment, t'as oublié la Pierrette ? Ah oui, je n'y pensais plus. C'est si loin. Si loin. Pas déjà tant, se disait Ovide. C'est particulier. On dirait qu'il ne se souvient de rien, le cousin. Quand on lui parle de n'importe quoi, il a l'air d'un ahuri de chaillot. Comme ça, demande Jacques, tu vas travailler à New York ? Un engagement de 3 ans en qualité de mécanicien ajusteur chez James Mortimer, un inventeur aussi, comme toi, qui a combiné une machine à guillocher. Une machine à guillocher, répéta Jacques avec inquiétude. Oui, tu dois connaître cela à fond, toi qui as travaillé à Genève. En effet, je connais cela à fond. Moi aussi. Et comme j'en ai monté plusieurs, le particulier m'a fait un engagement de 3 ans à 500 francs par mois. Quelle espèce de machine à guillocher l'Américain a-t-il inventé ? Il n'a rien inventé, il a perfectionné. A-t-il trouvé le moyen de guillocher l'argenterie façonnée en ronds de bosse ? Ce n'est pas possible de guillocher les ronds de bosse, les talons renversés, les gorges, les ornementations brutes. Tu sais bien, toi qui es du métier. C'est difficile, mais pas impossible. Eh bien, trouve ça, et bientôt tu seras vite millionnaire. Est-il riche ton futur patron ? Autant que la Banque de France, à ce qu'il paraît. Sais-tu ce qu'il te faudrait à toi, cousin ? Une association avec ce particulier-là, tout bonnement. Tu as de l'idée et de l'acquis. Tu es travailleur. Tu pourras te faire dans la fabrique une position de premier ordre. La fille est jolie et bien dotée. Hé hé, qui sait ? Il n'y a que les honteux qui perdent, vois-tu ? Ah, si j'étais un monsieur comme toi ! En ce moment, Jacques avait ôté son chapeau et s'essuyait le front. Le contremaître de M. Labrou, nos lecteurs ne peuvent l'avoir oublié, avait à l'aide d'une teinture changé la nuance de ses cheveux. Or, Jacques était teint depuis 5 jours. Ses cheveux avaient poussé. En conséquence, une ligne rougeâtre apparaissait entre la peau du front et le reste de la chevelure d'un superbe ton noir. Ovide avait un coup d'œil perçant. Dès son premier regard, il avisa cette particularité. De la chevelure, ses yeux descendirent à la barbe. Mais là, il ne put rien constater d'anormal. Ovide pensait, « Saperlipopette, en voilà une bien bonne. On jurerait que le cousin se teint. Il était cependant bien brun quand je l'ai connu. Pas possible que ses cheveux aient tourné au rouge. » Jacques était devenu songeur. « Allons, cousin, nous le reverrons, » dit-il, en tendant la main à Ovide Soliveau. « Au revoir. » Tout en regagnant les premières classes, il se disait, « J'ai affronté le péril, mais je crois qu'il existe des doutes sur mon identité et dans l'esprit de cet homme. Ah, si je pouvais le tenir à ma discrétion. » De son côté, Ovide réfléchissait aussi. Jacques Garot ne s'était point trompé en lui croyant des doutes. Ses doutes, ou plutôt ses soupçons, étaient faibles encore, mais ils pouvaient grandir et devenir dangereux. « Ah, saperlipopette, oui » murmurait-il en se promenant à grands pas sur le gaillard d'avant. Une cigarette aux lèvres, il est bigrement changé, le cousin, et il a l'air tout singulier. « Comment ne se souvient-il pas que je suis mécanicien, puisque nous exerçons tous les deux le même état ? Comment ne se souvient-il pas de la Pierrette qui faisait des bêtises à cause de lui ? » Et il se tint. Ses cheveux sont rouges sous le noir. Si ça n'était vraiment pas mon cousin, mais quelle raison le ferait agir ? Je voudrais bien le faire jaser, ce paroissien-là. Il a l'air mystérieux qui ne me va guère. Il a fait fortune en 6 ans. C'est épatant tout de même. Je creuserai ça. Je me paierai une petite enquête. Il faut savoir profiter de l'occasion, quand on a l'idée fixe, de s'arrondir un joli magot. Moi, j'ai l'idée fixe, et si l'occasion se présente ? Le Parisien fit une nouvelle pause, sans achever sa phrase. Et ses regards semblèrent chercher quelqu'un sur le pont. Ils s'arrêtèrent sur un homme de 65 ou 66 ans qui portait en bandoulière un petit sac de cuir à serrure. « La voilà, l'occasion demandée, » poursuivit Ovide, en dardant sur l'escarcelle un regard étincelant de convoitise. « J'ai vu le contenu de ce sac. Il y a là-dedans au moins 60 000 francs en or et en billets de banque. Il suffirait de trouver un bon truc pour couper la courroie, empocher le contenu et jeter le contenant à la mer. » L'opération réussie, je voyagerai en première classe, et j'aurai une pelure coupée dans le grand chic par un tailleur cher. Oh, l'occasion comme ça peut vous rattraper un homme !» Tout en allumant une cigarette, il marchait à petits pas. Il fit halte soudain près de 2 personnages qui causaient à mi-voix, assis un peu à l'écart. Ce groupe était composé d'un Canadien au visage cuivré, portant le costume de son pays, et d'un jeune homme de 25 ans environ. Le Canadien paraissait avoir atteint un âge avancé déjà. Il tenait à la main une fiole remplie d'un liquide couleur d'or. Le jeune homme, un médecin français, qui allait tenter la fortune en Amérique, lui parlait. « Ainsi vous êtes miné par la fièvre depuis 10 années, lui disait-il, et vous n'avez pour la combattre que ce breuvage ?»« Oui, répliqua le Canadien en français, et c'est à ce breuvage que je dois de vivre encore. »« Quelle est cette liqueur ?»« Une infusion de plantes qu'on trouve dans nos montagnes, et qui a plusieurs appellations, entre autres celle-ci, liqueur de vérité. »« Liqueur de vérité ?» répéta le jeune médecin. « Qu'est-ce que ça signifie ? » ?»« Cela se rapporte à l'une des propriétés de cette infusion de plantes. si l'on boit une cuillerée de cette liqueur mélangée à un liquide quelconque, ce mélange surexcite le cerveau au point d'y amener une sorte de folie passagère, qui dure parfois quelques minutes, parfois une heure. Tant que dure cette folie, on est pris du besoin de confesser ses pensées les plus intimes. Aussitôt qu'elle cesse, on ne se souvient plus de rien. Voilà pourquoi cette liqueur s'appelle liqueur de vérité. « C'est très curieux, dit le jeune médecin. » Ovid Solivo n'avait pas perdu un mot de l'entretien des deux causeurs. « Saperlipopette, murmura-t-il, si j'avais cette drogue et que j'en fasse boire au cousin. Il m'expliquerait pourquoi les cheveux ont changé de couleur. » Les deux hommes s'étaient remis à causer. Ovid prêta l'oreille de nouveau. Le Canadien poursuivit. « La liqueur de vérité a d'autres vertus. Une entre autres versée pure sur une blessure, elle la cautérise violemment, d'une façon presque instantanée. » « Mais c'est la panacée universelle !» s'écria le jeune médecin, avec un rire qui décelait pas mal de scepticisme. « N'auriez point, fit le Canadien. Je vous ai dit vrai, et vous pourrez vous en convaincre en faisant l'épreuve. Pour faire l'épreuve, où pourrais-je m'en procurer ? Écrivez ce que je vais vous dire. » Le jeune médecin tira de sa poche un agenda et s'apprêta à prendre des notes. De son côté, Ovid, tournant le dos au causeur, en avait fait autant. Le Canadien dicta. « Chulchilino, 11e avenue, numéro 24. » « Qu'est-ce que ce Chulchilino ? Un homme de mon village, qui a quitté le Canada pour venir trafiquer à New York. Il fait venir des montagnes la liqueur de vérité, et la vend à peu près au poids de l'or. Je l'achèterai quand même, je veux posséder cette liqueur. » Ovid avait inscrit le nom et l'adresse sur son calepin. « Et moi donc, se dit-il. » Tandis que cela se passait sur le gaillard d'avant du Lord-Maire, Jacques Garraud, redescendu au salon des conversations, avait enfin trouvé l'occasion d'adresser la parole à Noémie Mortimer. La blonde Noémie s'était mise au piano. La jeune fille étudiait les motifs d'une opérette en ce moment fort en vogue à Paris. Jacques vint s'asseoir à une faible distance de la jeune fille. Noémie s'était, à plusieurs reprises, aperçue que le passager la regardait avec un plaisir manifeste. Il avait la tenue d'un gentleman. Il voyageait en première classe. Pourquoi se serait-elle offensée de son admiration discrète ? Le morceau achevé, Jacques se pencha vers la musicienne. « On voit, mademoiselle, lui dit-il, que vous avez habité en France, et non seulement la France, mais Paris. » La jeune fille ne se montra point choquée et demanda d'une voix douce avec un demi-sourire. « À quoi voit-on cela, monsieur, s'il vous plaît ? À ce que vous n'interprétiez pas cette musique d'une façon tellement vivante si vous ne l'aviez entendue à Paris ? J'y retrouve toutes les nuances de mon cher pays. »« Ah, vous êtes français, monsieur ? Oui, mademoiselle. Eh bien, vous avez raison. J'ai entendu ces motifs à Paris. Ils m'ont paru charmants et je les ai retenus. Vous avez une mémoire prodigieuse. Pour ce qui me plaît, oui. » « Avez-vous longtemps habité Paris, mademoiselle ? 3 mois seulement. J'aurais voulu y passer une année au moins. Mais il n'a pas été possible à mon père de donner satisfaction à mes désirs. Ses affaires le rappellent à New York, où je vais rentrer un peu malgré moi après ce trop court voyage. Moi aussi je vais à New York. Je suis mécanicien, et je me propose de faire des études dans différentes maisons dont on vante les inventions, la maison Mortimer, entre autres. » Noémie regarda son interlocuteur en souriant. « Parlez-vous de la maison Mortimer ? » demanda-t-elle. « Oui, mademoiselle, la maison James Mortimer, dont le chef possède en fin d'Europe la réputation d'un homme de génie. Connaissez-vous celui de qui vous faites un si bel éloge ?»« Non, mademoiselle. Comment le connaîtrais-je, puisque je vais pour la première fois en Amérique ?» répliqua l'ex-contremaître avec un aplomb superbe. « Et votre invention est de vous rendre chez lui en arrivant à New York ? Ma première visite sera pour lui, mademoiselle. Alors, il vous serait sans doute agréable d'être présenté à James Mortimer. Introduit, comme nous disons, nous autres Américains. Rien ne me serait plus agréable, je l'avoue. Je vous offre d'être votre introductrice auprès de lui. J'accepte avec reconnaissance. Vous le connaissez beaucoup, mademoiselle ? Oui, et je l'aime de tout mon cœur. C'est mon père. » Le faux Paul Armand joua la stupeur. Votre père ? S'écria-t-il. Si j'avais su ! Auriez-vous parlé de mon père autrement que vous ne l'avez fait ? Demanda Noémie en riant. Non, certes, mes paroles exprimaient ma pensée. « C'est donc avec la certitude de vos sentiments de sympathie très vive pour mon père que je vais vous présenter à lui. Comment vous nommez-vous, monsieur ?»« Paul Armand. » Noémie quitta le tabouret du piano et, suivi de l'ex-contremaître, se dirigea vers James Mortimer, absorbé dans une conversation avec un Américain. « Pardonnez-moi, messieurs, dit-elle aux deux hommes, mais je désire, mon père, vous présenter quelqu'un qui fait le voyage de France à New York tout exprès pour vous rendre visite. » Le hasard a permis que monsieur, sans me connaître, fût conduit à m'expliquer le but de son voyage. « Mon père, permettez-moi de vous présenter un Français, monsieur Paul Armand, mécanicien comme vous. » James Mortimer fit 2 pas vers le prétendu cousin d'Ovid Solivo et lui dit « Soyez le bien accueilli, monsieur. Voulez-vous me donner la main ? C'est un honneur dont je suis fier autant que je suis touché de la bienveillance de votre accueil. » dit Jacques Garot en serrant la main que l'ingénieur lui tendait. « Nous sommes désormais de vieilles connaissances, reprit Mortimer. Donc, plus de phrases cérémonieuses. Je vous présente à l'un des princes de la finance américaine, Richard Davidson, mon ami et mon banquier. » « Disposez de moi, monsieur, fit le banquier. Si je puis vous être utile, je le ferai de grand cœur. » Les trois hommes s'assirent. Noémie retourna au piano. « Si j'ai bien compris, ma fille, dit Mortimer, vous vous rendez à New York avec l'intention de venir me voir. » « J'ai l'intention de monter en France une fabrique modèle. Vos ateliers m'ayant été cités comme incomparables, sous tous les rapports, je me proposais de solliciter de vous l'autorisation de les voir. Autorisation qui vous est accordée d'avance. Mes ateliers sont les premiers du monde. » Mais ils ne sont construits que pour la mécanique industrielle. Celle qui rapporte le plus, interrompit Jacques. En effet, elle est lucrative. Mes machines à coudre perfectionnées m'ont rapporté des sommes fort rondes. Vos machines à coudre perfectionnées, je les connais. Y trouvez-vous quelque chose de défectueux? Me permettez-vous la franchise? Sans doute, j'aime la franchise. Je ne veux point parler du mécanisme. Il est irréprochable. Je reproche à vos machines leur trépidation fatiguant ceux qui les font mouvoir. Vous voudriez obtenir le silence de la machine? Voilà 5 ans que je le cherche inutilement. Vous avez mal cherché. L'avez-vous trouvé, vous? Peut-être. Et le faux Paul Armand, tirant de sa poche son agenda, l'ouvrit et se mit à dessiner rapidement, sous toutes ses faces, la machine à coudre perfectionnée de James Mortimer. Ce dernier regardait avec étonnement. Le coup de crayon du faux Paul Armand lui semblait d'une merveilleuse habileté. Le banquier Richard Davidson et Noémie, qui s'étaient rapprochés des causeurs, admirait ainsi que Mortimer la dextérité du français. Jacques, avec une facilité et une clarté d'élocution due à son indiscutable talent de mécanicien pratique, démontra qu'il suffisait d'introduire dans le mécanisme en question quelques légers changements pour obvier aux défectuosités dans la machine à coudre. Mortimer suivait avec une attention avide les déductions logiques du français. « Mon cher confrère, s'écria-t-il quand Jacques eut terminé sa démonstration, vous êtes un homme de premier mérite. Vous venez de créer la machine à coudre définitivement perfectionnée, que vous pourrez appeler la silencieuse. Cette machine portera votre nom, monsieur, car je prends l'engagement formel de n'en jamais revendiquer l'idée. Cela, je ne l'accepte pas. Pourquoi donc? Parce que, m'abandonnant cette idée, vous m'abandonneriez la somme énorme qu'elle rapportera. Une somme énorme? Répéta Jacques Garot en souriant. Je crois, monsieur, que vous exagérez, mais je n'en maintiens pas moins l'engagement que j'ai pris. « Voilà un galant homme et un homme sûr de sa force, pensa Mortimer. Quel associé j'aurais en lui ?»« Inutile d'insister, mon cher confrère. Je n'accepterai votre offre que dans un seul cas. C'est que nous exploitions en commun la machine à coudre perfectionnée par moi et complétée par vous. Je vous remercie de cette proposition, mais à quoi bon une association pour si peu de choses? Je ne sais pas d'ailleurs si je me déciderai à rester en Amérique. Avez-vous donc changé d'avis, monsieur ?» demanda Noémie. « Ne me disiez-vous pas, il y a tout au plus 5 minutes ?» que vous comptiez au contraire y rester longtemps? Tel est en effet mon projet. Quand j'aurai achevé l'étude des progrès de la mécanique américaine, je verrai si je dois me fixer à New York ou retourner en France. Admettez-vous en principe l'idée d'installer des ateliers en Amérique? Fit vivement James Mortimer. Pourquoi non, le cas échéant? Il s'agirait alors d'exploiter une invention nouvelle? Oui, c'est une machine à guillocher. Jacques, instruit par son entretien avec Ovid Soliveau, venait de frapper un coup décisif. James Mortimer tressaillit visiblement. Le faux Paul Armand espéra qu'il allait se livrer, mais il n'en fut rien. « Moi aussi, dit-il d'un air d'indifférence, je me suis occupé de cela. Mais il n'y a pas à faire mieux que les Genevois. Leurs machines sont parfaites. Pour guillocher les surfaces planes, assurément, répliqua Jacques, mais cela est le pont aux ânes. Il faut progresser. » L'Américain sentit une sueur froide mouiller ses tempes. « Aurait-il eu la même idée que moi, pensa-t-il ? » Puis il ajouta tout haut. « Croyez-vous donc qu'il soit possible d'obtenir une machine capable de guillocher les talons renversés, les courbes? J'en suis sûr. » Mortimer pâlit. « Vous avez trouvé cela ? » fit-il d'une voix agitée. « J'ai trouvé. Mes plans sont tracés, mes épures achevées, et comme j'avais l'honneur de vous le dire tout à l'heure, je verrai si je dois me fixer à New York pour établir cette machine, et d'autres dont j'ai les projets en tête. » De pâle qu'il était, Mortimer devint livide. « C'est bien un concurrent, se dit-il. Il faut parer le coup sans perdre une minute. » Puis, d'une voix insinuante, il reprit. « Si vous ne vous illusionniez point, vous avez fait une invention qui doit vous donner en peu de temps une fortune colossale. Mais vous allez arriver à New York, où vous ne connaissez âme qui vive. Vous serez obligé de vous mettre au courant de nos mœurs, de nos façons de vivre, des coutumes de nos ouvriers. Il vous faudra créer une usine, agencer des ateliers. Cela vous prendra beaucoup de temps et vous coûtera des sommes folles. Sans doute, mais le moyen de faire autrement. Voici ce que je vous propose. Devenez mon associé. Prenez la direction de mes ateliers. Vous pourrez chez moi vous mettre à l'œuvre et construire sans retard la silencieuse et la machine à guillocher. En arrivant à New York, nous signerons le contrat d'association qui vous assurera la moitié des bénéfices de ma maison et je vais, à titre de prime, vous remettre un chèque de 50 000 $ sur mon ami le banquier Richard Davidson que voilà et qui le paiera à présentation. Mais commença Garo, qui ne voulait pas, quoique ivre de joie, avoir l'air de céder trop vite. « Oh, je vous en prie, monsieur, acceptez !» interrompit Noémie en accompagnant ses paroles d'un regard irrésistible. « Vous ne pouvez pas refuser de devenir notre ami. »« Vous voyez que ma fille se joint à moi !» s'écria Mortimer en riant. « Elle ne vous cache point sa sympathie. La sympathie de mademoiselle a sur moi plus d'influence que toutes les considérations pécuniaires, » répliqua Jacques. « J'accepte. » « Une poignée de main, alors. Voilà notre association conclue. À propos, êtes-vous marié ?» En entendant cette question, Noémie rougit. « Je suis garçon, » dit l'ex-contremaître avec un sourire. « Je vous offre donc un appartement dans ma maison. Vous ne le refuserez pas. »« Non, certes. Et je sais comment vous témoigner ma reconnaissance, » dit Jacques Garot qui ajouta tout bas. « Avant 3 mois, je serai le gendre de James Mortimer. » Le dîner fut gai, et on se sépara fort tard. Une fois dans sa cabine et étendu sur sa couche étroite, l'ex-contremaître ne dormit pas. La fortune lui souriait. Il allait, en arrivant à New York, toucher une jolie somme et partager tous les bénéfices de la fabrique de James Mortimer. De plus, il se croyait certain de devenir, à courte échéance, le gendre de l'ingénieur. Tout cela était splendide. Une seule ombre à ce tableau. Ovide Soliveau.